Ça fait un petit bout de temps que je voulais lui parler. En fait, c'est depuis l'année passée que j'essayais toujours de le rejoindre. Puis finalement, j'ai été capable aujourd'hui. C'est le joueur natif de Chicoutimi. On sait qu'on a Shane Gauthier ici de Dolbeau-Mistassini qui performe très très bien avec les Bombers de Winnipeg. Mais il y en a un autre qui de Chicoutimi, David Ménard, qui est à sa deuxième année, deuxième ou troisième année avec les Lions de la Colombie-Britannique. Question de savoir comment ça va son année. On lui parle. Salut David! Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. David, comment ça va ta saison avec les Lions de la Colombie-Britannique? L'équipe va très bien. Moi, personnellement, j'ai eu un début de saison un peu plus lent, surtout avec ma petite blessure qui s'est produite il y a 2 semaines. Mais là, tout va bien. Je reviens au jeu cette semaine, puis je regarde de l'avant, puis je travaille très, très, très, très fort pour d'un, revenir au jeu à 100%, puis de deux, améliorer tous les petits défauts à mon jeu là, que je veux corriger. Ok. Sur quoi t'entends, tu dis j'entends corriger sur les petits défauts. C'est quoi t'entends par là? C'est des points techniques, la façon que j'attaque mes blocs, la façon que je vois pass rush. C'est surtout. C'est tout plein de petits points techniques, surtout avec mes mains, comment j'utilise mes mains, puis c'est vraiment ça, là, de faire plusieurs répétitions. Je fais beaucoup de travail en extra par moi-même pour vraiment en arriver à un point que je vais juger satisfaisant, puis c'est surtout ça. Ok. Est-ce que le fait d'être canadien, ça l'amène, parce qu'il y a toujours un ratio américain-canadien, est-ce que ça l'amène une pression supplémentaire ou c'est ou encore ça te garantit un poste de plus? En fait, la réalité, c'est que ça donne une certaine sécurité Ouais. supplémentaire, étant donné que le talent, dans le fond, il y a une différence entre être canadien puis le talent canadien. Ouais, c'est C'est ça. vraiment deux choses. C'est vraiment deux choses qui sont très différentes. Tu peux être canadien puis pas faire l'équipe, mais tu sais, d'être là justement parce que tu es canadien. Mais si une équipe considère que tu es un joueur de talent puis que tu es canadien, ben là, dans ce cas-là, ça donne une petite sécurité supplémentaire, étant donné que justement, les équipes se doivent de remplir leur ratio. Puis, s'ils ont des joueurs de talent sur qui ils peuvent compter, ben, si c'est même plus vraiment une question de remplir leur ratio, c'est de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Donc, c'est d'une pierre deux coups. Puis, les équipes, ils regardent énormément pour ça. Mais c'est sûr que moi, ma position, il y a beaucoup d'Américains. Donc, Ouais. moi, j'essaie de pas voir ça contre une lutte, canadien-américain, parce que moi, personnellement, j'ai pas envie qu'on me mette sur le terrain ou qu'on me mette dans l'alignement à cause de mon passeport. Tu sais, j'aimerais ça. Je vise vraiment à être le meilleur, peu importe ma nationalité, versus ceux contre qui je compétitionne. Puis, c'est vraiment ça mon pas mon point de vue, mais tu sais, la façon que j'attaque la chose, en fait, là, de faire comme si on était tous pareils, puis que je peux me faire couper ou peu importe à tout moment, puis quelqu'un peut faire partie de l'alignement à ma place à tout moment. C'est comme ça que j'essaie de le voir pour être sûr de pas rien prendre pour acquis. Mais la réalité, c'est que les joueurs de Canadiens qui sont talentueux ont une certaine sécurité supplémentaire. Oui. Shane Gauthier a fait l'équipe avec les Bombers à cause des unités spéciales. Ça c'est-tu quelque chose que toi qui t'as emmené également dans les Canadiens, ça t'a-tu aidé beaucoup? Non, pas nécessairement, parce que Shane, c'est quelqu'un qui est Physique. un Ouais. peu plus athlétique que moi, je dirais. Il est plus ben, c'est un linebacker de un. Ça va être surtout Ouais. ces joueurs-là qui vont faire les unités spéciales, parce que c'est des gars qui sont quand même un bon physique, mais qui sont capables de courir du terrain aussi. Puis moi, j'ai pas cette chance-là vraiment. Tu sais, moi, je suis un bon joueur de ligne qui se concentre beaucoup sur la ligne défensive. Mais quand on a besoin de moi sur les unités spéciales, je pense que je réponds toujours à l'appel. Puis tu sais, je fais certaines unités spéciales, mais on me considère pas vraiment comme un joueur d'unité spéciale à proprement dit, là, étant donné que je suis plus un joueur de ligne. Ok, parle-moi de l'arrivée de Wally Buono, ben, le retour, c'est-à-dire de Wally Buono Ouais. à Vancouver. Il y a vraiment. Wally, c'est un gars qui est vraiment un gagnant. Il l'a prouvé. Tu regardes son palmarès. Ça va directement au Wall of Fame. Est-ce que déjà là, quand il est de retour, ça, il a mis un peu de l'ordre dans la cabane? Parce que c'était pas nécessairement facile, les Lions, au cours des dernières années, là. Non, ben moi j'ai vécu c'est ma troisième saison, puis tu sais, c'est mon troisième coach en chef en autant de saisons. Donc c'est sûr que moi j'ai vu d'instabilité, si je peux me permettre l'expression, parce que tu sais, quand t'as trois entraîneurs-chefs en trois saisons, tu vois que ça va pas vraiment en direction que l'organisation veut. Mais là, Wally, justement, en venant, il a pris les choses littéralement en main en descendant son spot. Ben, tu sais, c'est quand même encore le directeur général, mais il est descendu de son spot un petit peu pour revenir dans le vestiaire, puis revenir sur les lignes de côté pour reprendre les choses en main, puis ramener le programme là où il se doit être, parce que tu sais, les Lions, on est un club qui est historiquement gagnant. Fait que Wally, il acceptait juste pas la défaite. Puis je pense que c'est la meilleure option à avoir. Si t'es un bon gagnant dans l'ombre, tu vas pas accepter la défaite. Puis lui, en venant sur les lignes de côté, il a vraiment mis l'ordre un petit peu dans la cabane. Puis les transactions qu'il y a eu pendant l'off-season, c'est des très bonnes transactions. Notre équipe a de la profondeur comme je l'ai pas vu du tout depuis les deux dernières années. Puis c'est pas que je l'ai pas vu les deux dernières années, mais si je compare cette année aux deux dernières années, cette année on est vraiment une coche au-dessus. L'esprit d'équipe dans l'équipe, si je compare, c'est sûr, j'ai juste 3 ans à comparer, mais si je compare aux deux dernières années, c'est le jour puis la nuit. L'esprit d'équipe est totalement différent. Non, ça commence par le coach, c'est clair. Parle-moi, ouais. Un geste qu'il a fait aussi, c'est de confier le poste de numéro 1 à Jonathan Jennings. Il est dominant, hein, au poste de quart. Très dominant, hein? Oui, ben écoute, il y a eu l'année passée, quand son numéro a été appelé, puis qu'il y avait à sauter sur le terrain, je pense qu'il a prouvé à tout le monde qu'il était de calibre pour jouer dans cette ligue-là directement, puis même s'il est très, très jeune, en fait. Mais tu sais, on lui a demandé de jouer l'année passée, il est arrivé, il a fait ses choses, il a très bien fait ça, il a performé, puis cette année, je pense que le spot lui revenait, mais quand il a été retiré de la game, je me souviens plus c'était quelle semaine, contre quelle équipe, mais il avait été retiré de la game, puis Loulet a embarqué. On a vu que Travis il est extrêmement en forme aussi, puis si quelque chose arrive, on le souhaite pas, c'est sûr, mais si quelque chose arrive à Jennings, Travis va prendre la relève sans problème. On a deux, c'est nos deux corps arrière, c'est deux corps arrière numéro un, puis tu sais, il y en a un qui va back, on a un corps arrière d'expérience qui back up le jeune corps arrière qui a tout son avenir devant lui. Donc je pense que la situation au niveau des corps arrière, elle pourrait pas être mieux, là. À Montréal, on espère d'en avoir deux. On a un vétéran comme Kevin Glenn qui livre pas nécessairement la marchandise comme numéro un, puis un Rakeem Keto qui, après des débuts très intéressants, qui a un peu de misère cette année. Donc, à Vancouver, c'est pas nécessairement le cas. C'est un peu la même affaire à Montréal, mais sauf que on pourrait dire que c'est mieux à Vancouver. Hey, David, parle-moi un petit peu de la foule, parce que Toronto, cette année, il y a le BMO Field, on a changé d'endroit. Montréal, on l'a fait également. Puis j'avais lu quelque part qu'à Vancouver, on pensait également faire un petit peu la même affaire, sauf que tu crois-tu ça? Même si au BC Place, on a fait des grosses rénovations de tout près d'un. Je pense que c'est 1 milliard, là, ça l'avait coûté. Je vois pas les Lions qui partir du BC Place, toi? Non, moi je le souhaite. Honnêtement, j'ai aucune idée de si c'est dans les plans ou peu importe. Là, tu me l'apprends en disant ça, mais honnêtement, je vois pas pourquoi on changerait de place. Moi, je trouve que le BC Place, c'est la meilleure place pour jouer au. Dans CFL, on a le plus beau stade couvert, ben on a le seul stade couvert maintenant vu que les Argos ils jouent plus au Rogers Center, puis tu sais, je vois pas pourquoi on changerait de place, là, on est super bien là, ben, c'est peut-être peu importe Dans le concept, bon, j'avais déjà entendu parler de ça, dans le concept d'un petit stade, un peu comme à Toronto, 20 000 personnes, également à Montréal, c'est 20 000 personnes. Quand on dit le football canadien, c'est quand même on se joue devant des foules de 20 000-25 000, normalement. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on avait peut-être parlé que Vancouver, c'est peut-être intéressant, mais regarde, BC Place, on vient de mettre 1 milliard, ça me surprendrait que, hein, puis vous êtes avec les Wildcats à Non, quelque part. je trouve, c'est sûr que oui, on n'a pas les foules, on n'a pas les foules de la NFL, évidemment, mais je pense que notre stade est parfait comme il est là. C'est sûr qu'on aimerait ça avoir plus de fans, puis mais non, c'est très, très. C'est vraiment. Moi j'adore ça, jouer au BC Place. Je vois pas pourquoi qu'on changerait de place. La foule peut être extrêmement bruyante, même si à première vue, le stade a l'air vide. Il n'y a pas d'air vide parce qu'ils ont reconfiguré un petit peu pour fermer le deuxième étage puis s'arranger pour que les fans soient juste au premier étage. Donc, c'est mieux un peu de ce côté-là. Mais même s'il y a plusieurs bandes de libre, la foule, quand on a besoin de la foule derrière nous, la foule est extrêmement bruyante. Les fans, on a des très bons fans. Puis, j'adore ça jouer à BC. Je trouve pas qu'on changerait de place, puis c'est excellent comme ça. David, dernière question. Vous êtes maintenant rendu deux joueurs de la région, toi et Shane Gauthier, qui a joué son football un petit peu dans sa région. À quelque part, ça prouve qu'il s'est fait du bon football au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, définitivement. C'est sûr que il y a toujours place à amélioration, puis tant que ça va dans la bonne direction, c'est parfait. Mais oui, il y a des bons athlètes partout sur la planète, il n'y a pas de doute là-dessus, puis il y en a aussi au Saguenay, puis ça prend juste du monde qui vont les trouver, puis ça prend des bonnes organisations pour les développer. Puis écoute, juste la progression en ce moment, puis quand moi je jouais à Dominique Lacine, écoute, c'est jour et nuit, là, il n'y a pas de comparaison à se faire, puis les programmes continuent de progresser encore, donc moi, je vois juste du gros positif dans le football de la région. Puis, oui, on a des bons athlètes dans la région. Il faut juste qu'on puisse les former adéquatement puis les développer Effectivement. comme il se doit. Ben, David, maintenant, très intéressant. J'aimerais ça t'en parler à la fin de l'année pour avoir un peu le bilan de ton année. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. David Ménard, des Lions de la Colombie-Britannique, originaire du Saguenay.